t'es, sois pas fâché, roule ça et viens t'allumer. Tu sais que je suis trop pensif, je dors pas sans mon calumet. C'est la vie réelle, je sais que c'est pas une fiction. Tous les jours je me bats contre mes putains d'addictions. J'ai traîné toute ma vie, la rue elle se comporte comme un wild. J'ai croisé un gueuche, là ce bâtard il m'a sorti un arme. Croyais qu'il serait là pour toujours, bâtard j'ai été trop naïf. Naïf, raconte pas ta vie avant que le bateau chavire. La misère va à ravir. Toujours bro gros, j'suis pas ravi. Toujours bro gros, j'suis pas ravi. Il porte l'œil. Trop de ratures sur mes feuilles blanches. C'est la vie, elle m'a dégoûté. Change du taf quand papa va au taf. Fracturer les narines des débutés. Je vais te gaspiller, je m'en fous que tu sois réputé. Prends la RCA tout ce qu'on débuté. Fais l'avion comme pas Oleta quand je mets le but. Me sens comme Tugger quand je monte dans les aigus. Ah si je guette les secondes, je vois ses tentacules. Ah si je compte les minutes quand le passé m'encule. Ah si je compte les heures, j'attends pas qu'on m'adule. Là je suis dans une enfance, mes démons m'acculent. Des fois je suis un démon, des fois je suis un ange. J'ai 23 ans mais je suis déjà dérangé. Dans le genre j'ajoute l'adrénaline et du danger. Fils de pute, je ferai jamais la manche. Fils Artomas, il y a rien à manger. J'ai toute ma vie, la rue elle se comporte comme un wild. J'ai croisé un gueuche, là ce bâtard il m'a sorti un arme. Il porte l'œil. Trop de ratures sur mes feuilles blanches. Fils de pute, je ferai jamais la manche. Fils Artomas, s'il y a rien à manger.